Yo pa' ti. Paul Alex and Webini de l'Afrique. Très fort. Michocoto Fiano. Trésor Candol. Francis Patrick Samba le Maximum. Costa Coulet. Blaise Mathieu de l'International. Let's go.